des jours comme ça, où tout va pour le mieux. On sait pas pourquoi, mais on se lève heureux, sans souci du quotidien, qui t'entraîne jusqu'au lendemain. Dans ce moment-là, je me dis pas, qu'est-ce que tu fous là, mon gars. J'apprécie le vent et les gens, je les prends sans aucun jugement. Y'a des jours comme ça, où tout va de travers, où tout part en couille. C'est la vraie misère, ça vous fout la trouille, mais y'a rien à faire. Et moi je me suis dit, je vais faire ma vie, et je suis parti loin d'ici. Je vais aller voir si c'est mieux ailleurs, quelle est la couleur du bonheur. Oui, mais dans une autre ville, c'est pas toujours mieux. Les gens sont pas moins débiles, ni même plus heureux. Oh, mais je vais pas en rester là. Oh non, plus rien ne m'arrêtera. Alors j'ai repris mon baluchon et je salue tous ces pauvres cons. Cette fois-ci je quitte le pays, je me tire à Kingston City. Kingston City, me voici. Tu te demandes ce que je fais ici. Je voudrais juste refaire ma vie et pouvoir dire un jour un grand merci à ceux qui m'ont aidé dans mon voyage et qui m'ont fait tourner la page. À tous ceux qui triment de l'île anime, dont la santé s'abîme au fond des mines. Et si tu te demandes à quoi ressemble le bonheur, il a la douceur d'une peau café, comme tu peux ici en caresser du soir au matin. Et son odeur est dans la fumée de l'herbe que tu peux inhaler. Inhaler, inhaler, inhaler, inhalons-y. Inhaler, inhaler, inhaler, inhalons-y tous. Quant à sa saveur, elle est ambrée comme le rhum dont je suis imbibé. Et si tu te demandes à quoi ressemble le bonheur, alors regarde juste au fond de ton cœur. Et si tu te demandes à quoi ressemble le bonheur, alors regarde juste au fond de ton cœur. Regarde juste au fond de ton cœur. Regarde juste au fond de ton cœur.